Allô? Allô? Guylaine, c'est toi? C'est moi, Mireille. Je viens de lire ta carte. Alors, tu n'as pas beau temps? Oh non, c'est mauvais. Ici, il fait beau. Ici, il fait un temps affreux. Ici, il fait un temps magnifique. Le ciel est gris. Le ciel est bleu. Le temps est couvert. Il n'y a pas un nuage. Il pleut. Il fait soleil. Il fait chaud. Ça brume. Ça frappe des coups de soleil. Je me ruine en astéroïdes. Je me ruine en île solaire. À part ça, ça va? Bah oui, ça va. Toi aussi? Moi, oui. Et tu reviens quand? Le 2. Bon, à bientôt alors. Allez, bisous. T'embrasse. Au revoir. Allô? Allô? Guylaine, c'est toi? Guylaine, c'est toi? C'est toi? C'est moi, Mireille. C'est moi, Mireille. Je viens de lire ta carte. Je viens de lire ta carte. Tu n'as pas beau temps, alors? Ah, tu n'as pas beau temps. Tu n'as pas beau temps. Il fait mauvais. Ici, il fait beau. Ici, il fait beau. Il fait beau. Ici, il fait beau. Il fait un temps affreux. Il fait un temps magnifique. Un temps magnifique. Il fait un temps magnifique. Le ciel est gris. Le ciel est gris. Oh, le ciel est bleu. Le ciel est bleu. Le temps est couvert. Le temps est couvert. Il n'y a pas un nuage. Pas un nuage. Il n'y a pas un nuage. Il pleut. Il fait soleil ici. Il fait soleil. Il fait soleil ici. Il fait froid. Il fait chaud. Est-ce qu'il fait chaud en Angleterre? Non, il fait froid. Est-ce qu'il fait froid à Paris? Non, il fait chaud. J'attrape des rhumes. J'attrape des rhumes, des rhumes. J'attrape des rhumes. Qu'est-ce qu'on attrape quand il fait froid? Des rhumes. Et moi, j'attrape des coups de soleil. Des coups de soleil. Des coups de soleil. J'attrape des coups de soleil. Je me ruine en huile solaire. Je me ruine. Je me ruine. Je me ruine. Je me ruine en huile solaire. En huile solaire. Je me ruine en huile solaire. Qu'est-ce qu'on attrape quand il fait chaud et qu'on reste au soleil? Des coups de soleil. Qu'est-ce qu'on met pour se protéger des coups de soleil? De l'huile solaire.